Chapitre 7e. L'explication de ce problème insoluble, le mariage de Massimo, par l'hypothèse d'une passion irrésistible, semblait de plus en plus insuffisante aux curieux mondains. Le printemps était venu, les mois se passaient. Massimo, à son retour, avait repris son existence libre et variée, et de son côté, la jeune marquise continuait à être parfaitement sage, bien qu'elle fût évidemment délaissée, et se montrait toujours d'une sérénité d'esprit remarquable, un peu mélancolique, il est vrai, mais calme et souriante, et on la voyait si sincèrement affectueuse et bonne pour son mari, dont elle se louait hautement sans cesse, en lui témoignant toujours des sentiments inaltérables et une reconnaissance sans bornes, qu'on ne savait plus que penser. Enfin, on croyait toujours généralement que Massimo l'avait réellement épousée par amour, mais que, chez ce viveur incorrigible, l'amour n'avait été qu'un violent caprice et que, déjà fatigué de sa femme, il l'abandonnait sans se gêner le moins du monde. Les dames plaignaient Elisa et commençaient à lui parler d'un ton de commisération amicale, non exempte d'une certaine joie sourde et mal cachée, mais elle restait toujours déconcertée en se voyant si peu comprise par elle et en entendant de quelle façon admirative elle parlait de son mari. On finit cependant par croire qu'elle jouait un rôle. À la perfection, on ne pouvait le nier. Mais les plus malins commencèrent enfin à se dire à l'oreille « Cette femme-là est peut-être diablement forte. » Et quelque temps après, on décida qu'il fallait qu'elle eût un amant. Cette impétueuse nécessité, une fois admise, on ne pouvait plus reculer, et comme elle n'en avait pas, on se mit, presque avec inconscience, en devoir de lui en inventer un. Mais c'était moins facile que cela ne l'est ordinairement, c'était même très difficile. On ne se laissa pas toutefois décourager pour si peu. Quelques-uns parvinrent, à force de ruses et d'insistance, à se faire recevoir par la marquise d'Astorre, en forçant presque la consigne. D'autres, sans bien se l'avouer, l'espionnèrent. On la suivit dans les rues quand elle sortait seule à pied. La femme de chambre, qui avait quitté une des familles les plus riches de Florence pour entrer au service de la nouvelle marquise, fut habilement interrogée. Bientôt Elisa elle-même s'aperçut, les autres l'avaient déjà remarqué, qu'un jeune homme assez insignifiant qui lui avait été présenté se trouvait, comme par hasard, toujours et partout où elle allait. Son nom était Giuseppe Tordini, et tout le monde l'appelait Beppe. Fils d'un banquier excessivement heureux en affaires, mais avare, il ne désirait qu'une chose, défaire la fortune amassée par son père, et ne s'y prenait pas trop mal, étant déjà connu de tous les usuriers de la péninsule. Au Cassine, à l'heure où il n'y a encore personne, on le voyait à cheval, dans l'allée de droite, suivant à une certaine distance une voiture vert sombre qui cherchait la solitude. Souvent, le soir, on aurait pu le reconnaître, appuyé contre la muraille du palais d'Astorre, à l'heure où la voiture rentrait, pour profiter du moment d'arrêt en jetant un long regard à travers les vitres. Sans qu'on sût comment il s'y prenait, il se trouvait infailliblement le premier à une soirée, si Elisa y allait, ou au théâtre, si par extraordinaire elle s'y laissait conduire. Ni beau ni laid, l'air bête et rusé en même temps, très correct dans sa mise, il jouait consciencieusement son rôle et savait même se servir, pour son attitude de soupirant, de l'expression mélancolique qui parfois se peignait sur sa figure triviale et qui n'était due qu'à ses préoccupations pécuniaires. Il n'était pas le seul, du reste. De même que dans leur sagesse pleine d'expérience, ces messieurs avaient décidé que Madame d'Astorre ne pouvait rester fidèle à son mari, d'un autre côté, une demi-douzaine au moins parmi les jeunes désœuvrés qui se croyaient plus ou moins séducteurs s'étaient fait ce raisonnement « Cela ne peut durer, son mari la délaisse. Elle ne l'aime peut-être déjà plus, si toutefois elle l'a jamais aimé. C'est une femme jeune, jolie et qui s'ennuie. Elle ne tient pas aux distractions mondaines, donc elle veut l'amour. Certes, elle va choisir parmi nous. Pourquoi ne serait-ce pas moi? Attention donc, et mettons-nous en avant. » Et ils le faisaient à leur manière. Mais Tordini, qui ne craignait pas le ridicule dont il ne pouvait s'apercevoir, était le plus hardiment bête dans la poursuite de son but. Doué d'un amour-propre vulgaire et sans bornes, il sentait un grand plaisir rien qu'à compromettre la marquise autant qu'il le pouvait. D'ailleurs, Il commençait même à en être amoureux, ou à le croire. Bien entendu que malgré cela, il eût certes choisi de passer pour l'amant de Madame d'Astorée plutôt que d'en être aimé sans qu'on le sût. Lorsqu'il parvenait à la voir chez elle, il se sentait très timide, et alors, désespérant de jamais gagner du terrain, il se disait qu'il serait forcé de se contenter des apparences poussées aussi loin que possible. Un après-midi, Tordini avait été arrêté par un ami sous la porte cochère du palais d'Astorée au moment où il allait entrer, lorsqu'un tout jeune homme blond et pâle, très grand et tout en noir, se glissa à côté d'eux. Tordini entendit le guarda-porta répondre à l'inconnu « Oui, monsieur », et un instant après, la cloche qui annonçait les visites sonna. Mais lorsque, tout heureux d'avoir rencontré un ami à cette place, il entra à son tour, on lui dit que la marquise était sortie. Cela lui sembla très louche et le mit dans une rage qui avait besoin de s'épancher. Cette simple anecdote, racontée à tout le monde, fut une véritable aubaine pour les curieux malveillants qui, depuis longtemps, cherchaient le défaut de la cuirasse chez l'incompréhensible marquise. Partout et souvent, on parlait de l'indifférence cynique de d'Astorée comme mari, et on disait là-dessus les choses les plus drôles. Cependant, un soir, au club, comme Massimo entrait brusquement, la conversation bruyante d'une dizaine de jeunes gens cessa tout à coup et un silence embarrassant succéda. On vit un léger froncement de sourcils sur le front du nouvel arrivé, mais bientôt il se mit à parler de la façon la plus naturelle. Tout le monde se sentit très confortablement rassuré, Tordini surtout, qui bavardait à haute voix tandis qu'on faisait cercle autour de lui. Quelques jours après, on jouait une pièce nouvelle au théâtre delle Logge. La salle était pleine, la toile venait de tomber à la fin du troisième acte, lorsque Massimo entra dans une loge d'hommes où l'on discutait à haute voix sur le mérite du drame. Tordini se trouvait là. « Mais voyons donc, disait-il, soyons raisonnables. Il peut y avoir là-dedans du style, de la science, que sais-je, moi, tout ce que vous voulez, mais au nom du ciel, est-ce naturel ? Qui de nous se laisserait entortiller par une femme comme ce baron qu'on veut nous rendre intéressant ? Les choses ne se passent pas comme cela dans la vie. » « Et puis, fit un autre, c'est immoral. » « Moi, je suis pour le réalisme, dit un troisième. J'aime les situations fortes. » « Tout ce que vous voulez, mais que cela soit naturel. Toi, mon cher, tu es comme Pierino. Vous aimez les choses exagérées, que je déteste. J'aime les choses possibles. » C'est comme lorsque Rossi jouait les dames de Shakespeare, sans compter que cela fait bâiller. Je vous demande un peu si vous avez jamais vu des gens se comporter comme ces personnages-là. Les livres, c'est la même chose. Ouvrez un roman de Gaboriau ou de George Sand. « Monsieur Tordini, vous feriez mieux de vous taire, » dit Massimo gravement. Il se connaissait peu, de sorte que cette interruption glaça tout le monde. « Et pourquoi, s'il vous plaît ?» répliqua Tordini, mais avec un autre son de voix. « Parce que, cher monsieur, c'est ce qu'on a de mieux à faire, quand on est aussi idiot que vous l'êtes. Je vous ai entendu plusieurs fois dire des sottises énormes en parlant chevaux, dont vous vous êtes occupé toute votre vie. Imaginez donc ce que vous pouvez dire en expectorant des opinions littéraires. » Tordini devint pâle. « Voyons, messieurs, » dit une autre voix contrainte, « qu'as-tu aujourd'hui? Est-ce que la pièce te déplaît ?» Tout le monde sentit l'inutilité de cet essai de diversion. « Je ne l'ai pas écouté, la pièce. Du reste, ce n'est pas à toi que je me suis adressé. J'ai parlé à M. Tordini. Est-ce ma faute si je ne le trouve pas amusant ?» Ils se regardèrent surpris, et par leur regard, on aurait pu comprendre qu'ils avaient tous la même idée. « Monsieur le marquis, » dit enfin Tordini, « je crois que vous avez voulu m'insulter. »« Je l'ignore, monsieur, je ne suis pas juge de cela. » Tordini se leva furieux. On le contint. « Calmez-vous, au nom du ciel, pas de scandale ici. »« Eh bien oui, vous avez raison, mais vous comprenez que cela ne peut pas finir ainsi. » « Cela se passera comme vous voudrez, » dit Massimo. Ce duel étonna tout le monde. D'abord, parce que la conduite de Massimo devenait de moins en moins facile à comprendre. Ensuite, par les conditions de la rencontre. Tordini ayant porté le défi, le choix des armes échait à d'Astorée. Quelques vaines tentatives d'arrangement furent sincèrement proposées par les témoins, très ennuyé qu'on ne put éviter d'aller sur le terrain. Car bien qu'il n'eût pas d'offense grave, le duel n'en devait pas moins être sérieux. Voici pourquoi. Tordini, d'une force musculaire peu commune, passait pour le meilleur tireur de sabre de la ville et pour ne pas courir le risque d'être bêtement coupé en deux, les témoins de D'Astorre se trouvaient forcés de lui proposer le pistolet. D'un autre côté, les témoins de Tordini, tout en comprenant que les adversaires avaient raison, tremblaient et laissaient comprendre que D'Astorre ne serait pas généreux en usant de son droit, car on le savait, au pistolet, formidablement sûr de son affaire. De toute façon, on entrevoyait des conséquences terribles. « Messieurs, dit enfin Massimo, je crois avoir trouvé une solution qui pourra satisfaire tout le monde. Si, pour trancher court aux difficultés qui nous troublent, nous donnions pour une fois le bon exemple, en prenant l'arme des gentilshommes, je demande la permission de choisir l'épée. » Cela parut très original et non moins sérieux, mais on accepta, ne pouvant pas faire autrement. Le duel eut lieu le surlendemain. Tordini eut le bras percé de part en part et dut garder le lit pendant 6 semaines. Massimo avait choisi la place où il voulait toucher son adversaire, mais il fut lui-même légèrement blessé à la main. Il s'était battu à la Villa del Giglio, sur une petite pelouse, toujours verte, entourée de grands arbres encore dépouillés, vers 10 heures du matin. À midi, tout le monde était déjà informé de la manière dont les choses s'étaient passées, et l'on en causait partout, tandis que Massimo, contre son habitude, déjeunait avec Elisa, ayant voulu la rassurer par sa présence, si par hasard elle avait appris la vérité. Mais elle ne savait rien, et crut sans peine à l'explication quelconque qu'il lui donna de sa main enveloppée de soie noire. « Vous savez, dit Elisa, que j'ai dû prendre un jour pour recevoir, le jeudi après 5 heures. C'est réduit aux proportions minimes. C'est bien ennuyeux, mais il n'y a pas d'autre moyen d'être tranquille. Mais ce qui me rend furieuse, ce sont les obstinés qui s'entêtent à venir les autres jours. Croyez-vous que cet insupportable Tordini est encore revenu samedi passé ? Heureusement que j'avais ma leçon de musique. Sans cela, les gens sont si bêtes qu'ils auraient été capables de le laisser passer. À propos, comment cela va-t-il avec votre protégé ? Mon grand professeur ? Pas trop mal. Seulement, il me fait de la peine, il a l'air si malheureux. Comment s'appelle-t-il ? Wurtz. Est-il allemand ? De nom, il est né à Prato. Il a l'air d'avoir du talent, ce grand garçon-là, mais il est bien laid. Et si drôlement habillé, pauvre diable. Mais vous avez raison, c'est un excellent musicien. Est-il aussi amoureux de vous, celui-là, comme Tordini ? Voyons, Massimo, quelle plaisanterie ! Et pourtant, c'était tout simplement vrai. Ce pauvre musicien s'était lentement et terriblement épris de la grande dame avec qui, 3 fois par semaine, il venait déchiffrer des symphonies de Beethoven. Oui, il était amoureux d'elle, mais tout autrement que Tordini. Il contemplait longtemps son profil si pur, lorsque les yeux fixés sur la musique, elle oubliait peut-être sa présence, et il pensait alors à la suprême douceur qu'il sentirait s'il pouvait finir sa misérable vie, consolé par elle, et il la voyait assise à son chevet de mourant, lui disant quelques mots de pitié. Et il se sentait pâlir si par hasard elle se penchait vers lui, en jouant 4 mains, pour voir où il en était, ou si leurs doigts se touchaient en tournant les pages. L'idée était venue à Elisa depuis longtemps qu'elle retrouverait une véritable distraction à ses pensées dans la musique, abandonnée depuis quelques années, et ayant pris pour professeur ce Wurtz qui lui avait été recommandé par son père, elle trouva tout d'abord qu'elle avait raison, mais ce mélancolique jeune homme n'était pas le maître qu'il lui aurait fallu. Par son attitude, il l'attrista bientôt, et en le voyant souffrir comme évidemment il souffrait, elle ne pouvait se laisser conduire librement dans le monde inconnu où l'harmonie nous entraîne. Jamais Wurtz n'osa laisser même entrevoir à la marquise le secret qui remplissait son cœur. Il l'adorait comme une sainte, et avec la merveilleuse intuition que donne l'amour ardent et pur, il devinait qu'elle n'était pas heureuse. L'expression de cette figure si noblement paisible, énigmatique pour tout le monde, lui semblait claire. Il y voyait la douce pâleur de la résignation. Mais il sentait bien qu'elle ne souffrait pas comme lui, que s'il avait perdu tout espoir, elle ne connaissait plus la torture de la passion sans issue. Il lui parlait avec un respect profond, humble et timide, mais comme le son de sa voix trahissait son culte fervent. Elisa n'avait pas compris tout de suite. et bonne pour tous, elle le fut pour lui. Quand, ému par sa bonté, il lui racontait quelque chose de sa vie, lui disait discrètement ses peines, ses misères, son adoration pour l'art, elle l'encourageait en l'écoutant avec sympathie, et un simple mot, insignifiant par lui-même, mais dit, d'une certaine façon, lui faisait tout oublier pendant un instant. Mais bientôt il rougissait de s'être laissé entraîner à parler, et honteux du temps volé, il lui disait tout à coup « Pardon, madame la marquise, voulez-vous que nous reprenions cette page ?» Peu à peu, cependant, il s'aperçut que s'il se sentait parfois consolé, plus souvent il souffrait trop d'être près d'elle. Se maîtriser devenait chaque jour plus difficile. Élisa le vit, elle comprit, et elle en fut affligée. Ce chétif musicien ne savait pas dissimuler. Il donnait sa leçon un peu plus mal chaque fois, et Élisa pouvait de moins en moins prêter son attention au cahier ouvert devant elle. Au lieu de la distraire, cette heure passée avec ce jeune homme laid et malheureux, physiquement et moralement malade, la replongeait dans les pensées qu'elle fuyait, et lorsqu'il la regardait, croyant n'être pas vue, elle pensait à cet autre regard profond qui jadis s'était tant de fois perdu dans le sien et qu'elle ne reverrait jamais. La veille du jour où, assise en face de Massimo à déjeuner, elle causait amicalement avec lui, sans savoir qu'il venait de risquer sa vie, Wurtz était venu comme à l'ordinaire, plus pâle que de coutume, et s'était mis à donner consciencieusement sa leçon. Mais au beau milieu d'une symphonie, un de ces passages où il semble que l'humanité tout entière s'absorbe dans l'infini, Élisa, voyant les longues mains décharnées du pianiste, qui tremblaient fiévreusement sur les touches, se tourna vers lui, et à l'aspect de sa figure contractée, ne put s'empêcher de dire « Qu'avez-vous ?» À ces mots, l'émotion brisa en lui la volonté, et comme de grosses larmes s'amoncelaient dans ses yeux, il s'interrompit, tout à coup pour cacher sa figure dans ses mains, et se mit à sangloter comme un enfant. Élisa n'osa rien lui dire. Il se remit assez vite, par un violent effort, et, rouge de honte, sans prononcer un seul mot, il recommença la page, en faisant signe du doigt, et alla vaillamment jusqu'au bout du morceau, sans plus oser même la regarder. Puis, la leçon finie, il lui dit « Veuillez me pardonner, madame. » Et après une pause, « Dois-je revenir ?»« Mais oui, lundi, comme à l'ordinaire. » Toutefois, elle comprenait bien qu'il valait mieux qu'il ne revînt pas. « Je l'ai rencontré l'autre jour, votre professeur, » continua Massimo, tout en tendant une seconde fois sa main gauche vers le plat de côtelettes. « Il avait l'air d'un homme frappé de la foudre. Entre nous, je le crois un peu fou. Comme il me salue en passant, je l'ai arrêté. « Eh bien, lui dis-je, maestro, nous avons des peines de cœur. » Le pauvre garçon a rougi comme une pivoine. « Que dites-vous de cela ?»« Que voulez-vous que j'en dise ? Vous avez eu tort de l'embarrasser, il est si timide. » Regrettant moi-même de l'avoir troublé, je lui demandais si vous faisiez des progrès. Il se troubla encore plus et me répondit peu clairement, mais d'une façon à me faire comprendre qu'il y avait en vous l'étoffe d'une grande artiste, ce qui est fort possible. Je le questionnai alors sur le nombre de ses leçons. Il me donna à comprendre qu'il en avait fort peu, qu'il ne sait pas se pousser, se faire valoir, que des étrangères prennent parfois 12 cachets puis partent brusquement. « Je comprends, lui dis-je, tout cela est très incertain. C'est un poste fixe qu'il vous faudrait. Pourquoi ne vous mettez-vous pas en avant pour obtenir dans le pensionnat de demoiselles de Pistoia cette place de professeur qui est vacante maintenant ?» Il répliqua qu'il fallait passer un examen et surtout avoir des recommandations. « Mais quant à l'examen, vous êtes sûr de votre affaire, n'est-ce pas ?»« Parfaitement. Eh bien, ajoutai-je, je me charge de vous recommander. » « Et il se présentera au concours ?»« Oui, et il aura la place. J'en ai déjà parlé aux membres de la commission. À moins, cependant, que vous ne teniez absolument à ne pas changer de professeur. Enfin, ai-je bien fait ?»« Parfaitement, mon ami. D'abord, je serai contente que le sort de ce pauvre garçon s'améliorera. Ensuite, il ne me distrait pas, au contraire. » Élisa sortit pour un instant, et en revenant dans la salle à manger, elle reconnut la voix de Paolo Goffredi, beau-frère de la comtesse, un des très rares habitués de la maison, qui causait avec Massimo. Quelques mots, bien que prononcés à voix basse, arrivèrent à son oreille. Elle apprit le duel du matin. Cette nouvelle la frappa et l'émut. Tout à coup, elle fut très étonnée de n'avoir pas déjà soupçonné la vérité. Se remettant de sa surprise, elle entra pourtant comme si de rien n'était. Lorsque, plus tard, pressée par elle, Massimo lui dit avec qui il s'était battu, en l'assurant qu'il avait été poussé seulement par une antipathie d'instinct à chercher à Tordini une querelle d'allemand, Elisa, sans précisément savoir pourquoi, se sentit touchée. Mais elle le regarda avec une expression d'étonnement. Elle aussi n'arrivait pas à le comprendre. Son affection pour Massimo était très sincère et augmentait, mais jamais elle n'avait pu complètement se défaire d'une certaine gêne qu'elle éprouvait devant lui. Parfois, elle se sentait pendant une heure tout à fait à son aise en sa compagnie, puis, subitement, il lui faisait presque peur. Dans la perfection même des lignes de son visage, dans sa manière résolue de tout faire, dans sa suprême élégance, il y avait quelque chose qui la glaçait. Parfois, il se quittait les meilleurs amis du monde, puis, en le revoyant avec d'autres, elle croyait presque ne pas le connaître, et il lui semblait que sa voix n'était plus la même. Souvent, quand il s'oubliait par hasard à causer dans son boudoir, elle regardait ce profil si régulier, cette noble figure, et songeait comment un homme pareil pouvait mener une telle vie. Lui, si bon et si généreux, avait parfois des mots qui lui faisaient horreur à elle. En réfléchissant, elle comprenait quelles devaient être les séductions exercées par sa beauté et par son esprit, par sa froideur même, et par l'incontestable supériorité émanant de toute sa personne. Mais elle pensait que si le sort les eût rapprochés dans sa première jeunesse, lorsque son âme s'ouvrait à l'amour, elle n'aurait pu l'aimer, et le souvenir lui revenait du peu de sympathie qu'elle ressentait pour lui alors, quand, avec sa mère, elle le rencontrait par hasard. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de l'estimer hautement, et toutefois bien des choses la choquaient en lui. L'affection reconnaissante qu'elle lui vouait était profonde, mais non aveugle. Il y avait dans Massimo d'étranges inégalités de caractère. Rarement il se mettait en colère, mais, si cela lui arrivait, c'était avec une explosion terrible, avec cela d'inexplicable puérilité. Un habit mal réussi lui donnait le spleen. Dans ses heures mauvaises, il pouvait devenir brutal, et jamais alors il ne se montrait à Elisa. Mais elle le savait. Il donnait à tout ce qui a rapport au bien-être matériel une importance énorme qui étonnait Elisa. Du reste, l'affection qu'il ressentait pour elle se faisait chaque jour plus vive. Ils étaient très sincèrement amis et même camarades. Massimo poussait même cette camaraderie jusqu'à lui parler comme il aurait parlé à un homme et à lui raconter des anecdotes, des épisodes de sa vie qu'elle n'arrivait pas toujours à comprendre et qui la surprenaient. Un mot très sincère qui échappait parfois à son mari la faisait tressaillir. Ses opinions souvent la troublaient et la rendaient plus triste. Elle avait certes vécu cette pauvre Elisa encore si jeune et qui ne pouvait plus rien attendre. Son cœur avait connu toutes les fièvres et il ne pouvait plus battre que faiblement pour sympathiser aux souffrances des autres. Elle avait beaucoup réfléchi et cependant, elle observait maintenant autour d'elle des choses qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Cette société à laquelle elle ne se mêlait presque pas, mais dont elle faisait partie, se présentait à ses regards sous des aspects encore inconnus. Dans sa nouvelle position de spectatrice, qu'on croyait à tort appelée à jouer un rôle, elle ne pouvait s'empêcher d'apprendre. La comtesse Goffredi, qui malgré ses défauts superficiels était au fond une excellente femme, bonne et intelligente, devenait de plus en plus l'amie d'Elisa, la seule peut-être aussi, parce qu'elle ne lui faisait jamais de questions et n'exigeait aucune confidence. De plus, Elisa s'était peu à peu formée un petit cercle d'hommes très restreint, parmi lesquels le plus assidu était Paolo Goffredi. C'était un beau garçon dont le talent et la paresse étaient également naturels, ennuyé et blasé, sujet à des accès de gaieté folle. Peu cultivé, il possédait cependant cette rapide compréhension de toutes choses, cette facilité à tout, cette étrange science innée qui, depuis Machiavel jusqu'à nos jours, est le privilège des Italiens intelligents, des méridionaux surtout. Il menait une vie bruyante, mais n'avait pour Madame d'Astorre qu'une amitié respectueuse et dévouée, et il aimait à respirer chez elle un air plus sain qu'ailleurs. Les personnes douées d'un certain esprit d'observation estimaient de plus en plus Elisa, et comprenant qu'une honnête femme peut avoir de pures et franches amitiés même avec des jeunes gens, ne trouvaient rien à redire. Quant aux autres, ils se divisaient en deux catégories. D'abord ceux qui, par un phénomène assez facile à expliquer, avaient beaucoup modifié leur opinion sur la marquise après le duel de Tordini, et ensuite les incorrigibles, lesquels, poussés à bout, disaient des horreurs et, perdant la tête, n'avaient même plus la finesse d'inventer des histoires au moins croyables. Bien des choses, nous le répétons, surprenaient Elisa, entre autres, qu'on s'obstinât à tant s'occuper d'elle, qui s'occupait si peu des autres. Puis, la vie mondaine lui paraissait de plus en plus étrange. Les femmes, surtout, parlaient un langage qu'elle ne comprenait pas. Tous les points de vue lui semblaient faussés, et les hommes et les femmes, tous moralement malades, différemment mais au même degré. Les heureux du monde souffrent donc autant que les déshérités, disait-elle, et poursuivent le bonheur par des chemins absurdes. Elle sentait qu'il y avait dans tout quelque chose de faux, qu'elle ne savait définir, et qui n'est peut-être qu'une grande naïveté sous une grande corruption. L'attitude, parfois triste, parfois avidement hostile des jeunes filles, la faisait surtout réfléchir, et elle la comparait au cynisme des hommes et à la différente fortune des femmes mariées, celles-ci esclaves, brisées par la vie ou rejetées par la société, celles-là triomphantes dans le mal. Ne sont-elles pas presque effrayantes, en effet, ces jeunes personnes, si bien élevées, quand on les voit dans le monde, et selon leur regard, leur pose, leur beauté, ne doit-on pas trembler, ou pour elles-mêmes, ou pour les autres? Et qu'était-ce que tous ces jeunes gens, qui eussent été si empressés autour d'elles, s'il le leur eût permis? Pourquoi y en avait-il un si grand nombre, toujours prêts à feindre des sentiments si peu sincères? Et pourquoi Paolo Goffredi, le seul qui se montrait tel qu'il était réellement, et ne lui faisait pas la cour, pourquoi était-il souvent d'une humeur noire ou d'une gaieté malsaine? Quel pouvait être le secret d'un tel manque d'équilibre moral chez un jeune homme doué de tous les dons, pouvant aspirer à tout? Au milieu de ces réflexions, Elisa comprenait de plus en plus la nécessité de s'occuper. Sa journée se divisa régulièrement entre la lecture, le piano, la promenade, de façon à laisser le moins de temps possible à la pensée. Cependant, elle jouissait aussi du luxe dont Massimo exigeait qu'elle s'entourât, ayant toujours aimé les belles choses. La recherche du vrai goût en tout ce qui lui appartenait était une de ses meilleures distractions. Sa vanité de femme, toujours existante même dans une vie de renoncement, y trouvait sa pâture en même temps que le sentiment artistique, qui avait toujours été très fort chez elle. C'était du reste un des moyens par lesquels elle pouvait plaire à Massimo. Avouons-le tout de suite, même les choses qu'on appelle futiles l'intéressaient, et elle s'occupait sérieusement de sa toilette. Qui lui eût dit, aux heures pleines d'angoisse de la villa Rombelli, qu'un jour viendrait où, malgré tout, elle aurait de longues conférences avec une couturière? Les réalités de la vie s'imposaient à elle, et s'imposaient utilement. Mais les heures de défaillance venaient tout de même, des journées entières quelquefois. Un dimanche soir, après avoir accompagné son père à la gare, M. Valenti partait après avoir passé une semaine chez sa fille. Elisa retournait chez elle en calèche par une pure et splendide soirée. Le soleil était couché depuis longtemps, mais la chaleur était encore accablante. L'air était lourd et tout imprégné de parfums. Les rues se remplissaient d'une foule animée. Les maisons se vidaient. Tout un peuple était dehors. Le cocher avait pris par le plus long, et les chevaux, forcés d'aller au pas, dans un entassement de fiacres et d'équipages, avançaient avec peine. Sans trop savoir pourquoi, Elisa souffrait horriblement. Accoudée dans un coin de la voiture, elle se sentait prise d'une telle impatience nerveuse qu'elle regardait presque avec haine la foule et les obstacles qui prolongeaient son attente. Un mal moral et physique à la fois l'enveloppait toute comme dans un réseau de fer, et elle s'imaginait qu'une fois rentrée dans son boudoir, elle serait guérie. Elle regardait le ciel d'un implacable azur, déjà parsemé d'étoiles, et les rues longues et tortueuses, et les petites portes fermées à marteaux brillants, et les larges ouvertures béantes des noirs palais. Machinalement, elle lisait les enseignes des boutiques fermées, auxquelles il lui semblait trouver un sens concordant avec ses vagues pensées. Puis, après avoir remarqué dans ses moindres détails la toilette endimanchée de quelques femmes, elle retombait dans sa méditation douloureuse. Des jeunes filles passaient, se tenant par le bras, un voile sur leurs cheveux noirs et leurs longues et amples jupes traînant par terre, causant à haute voix et mordant à belles dents dans un fruit qu'elles venaient d'acheter. Une femme du peuple, tenant un petit enfant par la main, se retournait pour voir longtemps le brillant équipage qui passait et, certes, ne se doutait pas que de cette belle voiture un regard était descendu sur elle, peut-être plus envieux que le sien. Enfin, Elisa se trouva tranquillement assise sur une chaise longue. Il sentait un grand besoin de repos lorsque Goffredi entra. Elle lui dit qu'elle était un peu souffrante, en le priant de l'excuser si elle parlait peu. « Vous me renverrez si je vous gêne, marquise. Du reste, je suis moi-même tellement maussade ce soir. » Pendant un assez long temps, ils n'échangeaient en effet que quelques mots, et parfois le silence paraissait tout à fait établi. Ils restaient en face l'un de l'autre, naturellement, dans cette familiarité italienne qui permet même de se taire. Chacun rêvait de son côté. Elisa sentait peu à peu se relâcher l'étreinte de la despotique angoisse qui, sans une raison définitive, l'étouffait, et la crise passait lentement. La période aiguë de son spleen, que la vue des choses extérieures, ce soir-là, avait rendue presque insupportable, finissait. Goffredi aussi, de son côté, s'absorbait dans ses pensées intimes, retournait d'indifférentes solutions dans sa tête, et se sentait lui aussi accablé à sa manière, et souffrait de la lourdeur énervante de l'atmosphère. Il y avait dans sa vie bien des difficultés vulgaires, des peines compliquées de trivialité que, pensait-il, la femme qui était devant lui, bien qu'intelligente et indulgente, et pour laquelle il avait tant d'estime et de vraie amitié, ne pourrait pas du tout comprendre. Et en l'observant telle qu'elle était en ce moment-là, la joue appuyée sur la main et le regard distrait, il songeait combien il plaignait ceux qui, assis à la place enviée où il se trouvait, n'auraient rien compris d'une pareille femme et se seraient cru presque obligés à lui faire la cour. Et il souriait, en pensant combien lui, qui passait pour très entreprenant, s'en sentait incapable. Massimo entra et on causa un peu. Il avait une grande sympathie pour Goffredi qui, de son côté, aurait tout fait pour lui. Resté seul avec Elisa, Massimo s'assit auprès d'elle. Il paraissait gai. Depuis quelque temps, il passait ses nuits à jouer. Malgré sa gaieté, son visage avait l'expression toute particulière des mauvais jours. Après un silence, il demanda à Elisa comment elle se sentait. « Pas mal. Encore la migraine ? Oui, mais cela va mieux. Eh bien, adieu, je vais m'habiller. » Mais il ne s'en alla pas tout de suite. Il se mit à la regarder. Depuis quelques jours, il avait remarqué qu'elle était plus nerveuse qu'à l'ordinaire. « Vous n'êtes guère brillante ce soir ?» lui dit-il. « Non, ces premières chaleurs m'accablent. Oui, le temps est lourd. Mais l'idée m'est venue qu'il peut y avoir une cause nouvelle à votre mélancolie, » dit-il, en souriant d'une façon toute spéciale. « Pourriez-vous être, pendant 5 minutes, assez peu femme pour vous montrer tout à fait franche ?» « Massimo, » fit-elle étonnée, « vous savez bien que je le suis toujours avec vous. »« Eh bien, voyons. Vous ai-je dit que ce pauvre Wurtz a obtenu la place au pensionnat de Pistoia ?»« Oui, je le sais. À quel propos ?»« Soyez franche, en êtes-vous contente ?»« Très contente pour lui, je vous assure. »« Il gagne péniblement sa vie et n'est pas heureux. »« Et vous ne regrettez pas de ne plus avoir ses leçons ?» N'aimiez-vous pas qu'il vous fît la cour ? Assez, Massimo. Pourquoi me parlez-vous ainsi ? Comment ces idées peuvent-elles se présenter à votre esprit ? C'est bien, pardon, dit-il en se levant. Mais calmez-vous. Je crois à ce que vous me dites. Mais je ne pense après tout que des choses très possibles. Du reste, cela ne me regarde pas. » Il sortit en fredonnant un petit air. Le boudoir était tout à fait sombre. Elisa resta longtemps sans faire le moindre mouvement, les yeux fixés sur un groupe de porcelaine qu'on distinguait plus clairement dans l'obscurité tombante. Elle écoutait les moindres bruits. Sans s'en douter, elle avait prêté l'oreille très attentivement au choc léger et décroissant des portes qui se fermaient lorsque Massimo était parti. Puis elle attendit presque avec impatience le bruit que devait faire la voiture en sortant, mais on n'entendit rien. Un domestique entra portant une lampe à abat-jour pour la poser silencieusement sur une table couverte d'un tapis rouge qui s'éclaira subitement. Le groupe mythologique fut noyé dans l'ombre. Les heures sonnèrent en se répétant au clocher des églises. C'étaient les seuls bruits du dehors. Elisa succombait de fatigue et pensait qu'elle ferait bien d'aller se coucher, mais elle ne pouvait se lever. Sa main, très blanche, un peu grande et maigre, couverte de bagues étincelantes, s'étalait sur sa robe noire, et lui semblait qu'elle ne parviendrait jamais à la soulever. Son indécision lui était pénible, sa volonté n'eut même plus la force de lutter. Elle céda lâchement à la prostration qui la gagnait, et comptant parfois à la pendule les minutes interminables, elle laissa s'écouler les heures rapides. Le silence semblait s'accroître. Tout à coup, elle entendit un bruit de pas. Elle crut que c'était le domestique, mais la porte s'ouvrit et Massimo entra en habit et en cravate blanche. « Vous me croyez déjà parti, n'est-ce pas ? J'étais long à m'habiller, puis je suis descendu jusqu'au bas de l'escalier, mais j'ai dû remonter. J'ai un mot à vous dire. »« Quoi donc ? » ?»« J'ai à vous demander pardon. » Elisa, surprise, troublée, ne trouvant pas de parole, lui tendit la main. « Oui, je veux vous demander pardon, » répéta-t-il sérieusement. « Vous savez, les hommes comme moi, même quand ils ne sont ni tout à fait méchants ni tout à fait bêtes, blessent parfois les femmes comme vous, sans le savoir, et sans pouvoir s'en défendre. Cela doit m'être arrivé souvent, et ce soir d'une façon inexcusable à mes yeux. Or, une fois pour toutes, je désire que vous me pardonniez et que vous me promettiez de ne pas donner plus de valeur qu'elle ne mérite aux paroles absurdes qui peuvent m'échapper. Vous êtes déjà pardonné. Merci. Cela me désolait, voyez-vous, ma chère Elisa, m'étant aperçu que vous êtes bien triste ces jours-ci, d'avoir, par ma bêtise, augmenté votre tristesse. En effet, voilà le résultat. Vous êtes resté là, dans votre coin, à réfléchir au mal que je vous ai fait, à rêver tristement à ce qui ne peut qu'assombrir vos pensées. Vraiment, je vous assure, je ne pouvais sortir sans vous avoir vu. Tenez, je viens de m'apercevoir d'une chose, et je veux vous la dire. Mon amitié pour vous est plus grande encore que je ne le croyais. Vous êtes bon, je le sais, vos paroles me font du bien, et je vous remercie, du fond du cœur, d'être revenu sur vos pas. Mais allez, adieu. Eh bien, je m'en vais plus content. Écoutez encore une chose avant que je m'en aille. Vous savez que je n'aime pas les phrases et que je ne suis pas tendre. Mais je dois vous le dire ce soir, une fois pour toutes, je vous aime fraternellement. Un peu comme un père aussi, peut-être. Eh bien, vous l'intimidez un peu quelquefois, mais Massimo, votre sœur, a plus d'affection pour vous qu'elle ne vous montre et que vous ne croyez. » Il lui baisa la main. « Oui, vous êtes une sœur pour moi. Vous remplacez celle que j'ai perdue. » Il lui avait plusieurs fois parlé de la pauvre Lina. « Et je vous aime comme un frère, mais bien mieux que les vrais frères ne savent aimer, » ajouta-t-il amèrement. Il lui tenait toujours la main. Il eut une longue pause. « Adieu donc, » reprit Massimo, sans se lever toutefois. « Je dois aller au théâtre. »« Allez alors, il est déjà tard. »« Oui, d'autant plus qu'une dame m'y attend. »« Mais, bon, qu'est-ce que cela fait ?» reprit-il gaiement. « À propos, savez-vous qui m'attend ? Devinez. » Elisa sourit presque malgré elle du changement subit de ton de Massimo. « Devinez, » répéta-t-il. « Mais comment voulez-vous que je devine ? Elle arrive de Milan. » cela ne m'avance pas à grand-chose. Eh bien, ce n'est autre que la comtesse Lasardi. Vraiment ? Depuis quand est-elle ici ? Depuis 3 jours. Il paraît, ma foi, continua-t-il d'un ton presque comique, qu'elle est encore folle de moi. Mais n'en dites rien. J'aime que l'on me croie discret. Je n'ai encore jamais rien su. Tiens, c'est vrai. Vous ne pouvez rien savoir. Et cependant, cela date. Allons donc. Silence. Adieu, et dormez bien. Adieu, et merci. Il l'embrassa au front et sortit. 5 minutes plus tard, elle entendit le bruit de la voiture de Massimo qui roulait sous la porte cochère.